Bueno, más o menos. Le mouvement de translation. Cuando tengo los movimientos de traslación, si le mouvement est perturbé de la droite vers la gauche, cuando el movimiento está perturbado de la derecha a la izquierda, c'est la stimulation homolatérale. Haremos la estimulación homolateral. Si maintenant la perturbation est surtout dans le mouvement dans le plan sagittal, la perturbación, si está en movimiento en el plano sagital, je vais quand même tester dans le plan frontal. Lo vamos a testar también en el plano frontal. Et dans la plupart des cas, vous allez voir qu'il y a un côté qui est plus mobile que l'autre. Y veremos que hay un lado que va a ser más móvil que el otro. Donc à ce moment-là, on va vous stimuler du côté le moins mobile. Y entonces vais a stimular de la vez más mobile. Maintenant, maintenant, il pourrait arriver qu'il faille faire deux stimulations, des stimulations bilatérales. Mais dans la réflexion, c'est toujours de mettre le moins de stimulation possible. Donc si une stimulation spécifique au niveau antéro-interne fonctionne, okay. Alors, on a vu un cas clinique qui était intéressant. C'était... Donc c'est quelqu'un qui sur la table et avait la tête en hyperextension. Era alguien que en la camilla tenía la cabeza en hiperextensión. Et le collègue qui a testé au niveau cervical. Y el colega que ha testado a nivel cervical. Il dit moi je trouve que tout va bien. Decía, ah, yo encuentro que todo va bien. Donc on lui a demandé de remettre un petit peu de flexion au niveau de la tête. Entonces le tenemos que pedir que flexione un poquito la cabeza. Et donc à ce moment-là, on retrouvait une perturbation au niveau C2. Y en este caso, lo que encontrábamos era una perturbación a nivel C2. Donc quand vous voyez quelqu'un sur la table qui est en hyperextension, entonces si vemos a alguien que en la camilla tiene una hiperextensión, demandez de remettre la tête dans une position plus habituelle. Y que decimos que coloque la cabeza en una posición más habitual. Ah, parce que c'est peut-être simplement juste une adaptation à son problème cervical. Porque es muy probable que esto sea una adaptación al problema cervical. Oui, en pacientes, por ejemplo, en los sistematizados, est-ce qu'on utilise les grilles articulaires dans les systématisés? Utilizamos estas grilles, las tablas articulares o el protocolo articular en sistematizados. Pero por eso no llegan a la camilla a veces. On parlait d'un de vos collègues. Estábamos hablando ahora entre vuestros vosotros. Il peut toujours y avoir des contre-exemples, mais chez la plupart des personnes. Vérifier la position de la tête. Es verdad que puede haber excepciones, pero en la mayoría de la gente tenéis que verificar si la posición de. C'est peut-être juste un problème de. Je fuis la zone dysfonctionnelle. Lo que tenemos que hacer es que. Esta está fluya. Un circulito de la dividida. Vale, sí. De las disfunciones. Fluirte. Sí. paciente, ojos abiertos. La serie es que on doit demander al paciente de ouvrir les yeux, de ne pas toucher les dents. Il est évident que tout ça, ça a des interactions. C'est évident que tout ça interactionne. Mais ça, on le prendra. Donc, tu peux le faire, mais on verra les interprétations plus tard. Lo podemos hacer, pero las interpretaciones las veremos más tarde. La problématique, s'il ferme les yeux et qu'il est amélioré. Porque si cierra los ojos y está mejor. C'est possible. Qu'est-ce que je fais derrière? ¿Qué hago entonces? Mais d'accord, je vous ai dit que là, ce qu'on voit quand on dit c'est cervical, c'est relatif parce qu'il nous manque encore des pièces dans le puzzle. Entonces, cuando decimos c'est cervical por ahora, es relativo porque todavía nos falta un cacho del cuerpo para hacer. Mais néanmoins, même si nous manque des pièces dans le puzzle, on est capable d'améliorer le patient. Pero de todas formas somos capaces de mejorar el paciente. Yo sería localizado, solamente se trataría. ¿Puede repetirlo? Pour l'instant, le côté articulaire, donc analytique, le côté chaîne musculaire, vous le faites chez les patients localisés. Esta tabla del articular y de cadenas neuromusculares lo haremos solamente en localizados. Parce que sinon ça va être trop compliqué, vous allez trouver des choses partout. Porque si no, es muy complicado porque vais a encontrar cosas por todas partes. Sí, lo de las estimulaciones, a ver si podemos decir cómo colocamos las estimulaciones. Es que tú puedes decir, si yo puedo decidir si o no. Hay dos maneras. Première façon, c'est déjà de retester la translation. La primera es retestar la translation. Et la plupart du temps, vous allez voir que même si ce n'est pas forcément bloqué, lo que podemos ver es que aunque no esté forzosamente bloqueado, il y a un côté qui va être plus limité que l'autre. Va a haber un lado que va estar más limitado que l'autre. Donc toujours pareil, on va mettre la stimulation du côté où la mobilité est la plus réduite. Entonces colocaremos el estímulo donde la movilidad está más reducida. Si el mouvement ne veut pas se faire vers la gauche. Entonces el movimiento no se quiere ir. No. Ne veut pas se faire. No se quiere ir hacia la izquierda. A priori, c'est que la disfunción est à droite. Significa que la disfunción está a la derecha. Donc on va les stimuler en homo lateral. Entonces vamos a estimularlo en homo lateral. Si jamais vous trouviez rien au niveau palpation cervicale, si algún día no encontráis ninguna razón a nivel de la palpación cervical, vous pourriez vous servir du test de Barrow-Pressler. Vous pouvez servir de los test de Barrow-Pressler. Je le fais à droite, je le fais à gauche, je le fais à droite et à gauche. Quel est le meilleur résultat? Miramos a izquierda, miramos a derecha, miramos derecha a izquierda y lo que me dé mejor resultado es probar. Sí, en la lateral sale igual, haciendo las partes interiores. Solamente da el problema en la anterior. Si la translación lateral es una fisiología, la oclusión es la fisiología, es como que. ¿Es que ya entiendes? Ok. ¿Es que eso se crea con vos? Là, on est juste dans le déparasitage somatique. Si dans ton déparasitage causal, tu trouves qu'il y a une zone, un élément, non, une épine irritative d'appui plantaire au niveau de la première tête. Si, en ton test clinique, et quand tu associes les deux. Associes les deux. Comme on avait dit, on pouvait très bien associer un élément antéro-interne pour déparasiter, plus plus une barre antérieure pour faire la remédiation posturale. Esto lo hacemos de la misma forma que decíamos antes. Podemos asociar un EAI con una barra anterior. Pues de la misma forma podemos asociar estos pequeños elementos a otros elementos. Donc ça veut dire que si intellectuellement il y a un déparasitage somatique cervical à faire. Entonces, intelectualmente, si tenemos una desparasitación somática que tenemos que hacer. Je mets l'élément spécifique. Colocamos el elemento específico. Donc, l'élément entéro-interne est spécifique, il est plus petit. Et ahí, que es más pequeñito. Si un déclin irritatif de la vue plantaire au niveau du premier rayon. Si tenemos una espina irritativa a nivel del primer radio. J'associe l'élément antéro-interne. Et si la personne elle est en avant et que deux barres antérieures l'aident au niveau de la remédiation. Et si la personne est antériorisée et nécessitons deux barres antérieures. J'associe également la barre antérieure. También asociamos la barre antérieure. Revenez toujours au tripode. Acordaos siempre de esta tripode. Déparasitage caudal. Déparasitage somatique, remédiation. Desparasitaje somático, desparasitaje podal, remediación. Y cobrar. El cobre de tisión. El cobre de tisión. Desparasitaje somático, podal. Cuando dice somatique, c'est pour dire. Tout le corps sauf le pied. Cuando decimos somático es todo el cuerpo menos el pie. Tu revois le patient au bout d'un mois, tu vois si c'est toujours présent. Lo ves en la veremos si todavía está escuchando la presencia o no. Sí. ¿Es que está claro? ¿Esto está claro? Los movimientos son los mismos. Un, dos, ¿ha suficiente en regla general? Como regla general, uno, dos, pueden ser suficientes. Après, il faut voir avec la posture dynamique, le test du pouce et le reste de l'examen. Luego hay que verlo con el músculo dinámico, con las pulgares y el resto del esquema global. ¿Es con una fini a veces cervical? ¿Acabamos con las cervicales? Sí, vamos, porque el EAI para la pieza la divides en tres partes iguales para hacer estos elementos. Haces ¿no? el elemento aquí de inferno para el desparasitaje somático, ha dicho que se dividía en tres. Entonces coges y repartes la pieza, la cortas. Es así como se hace, que no lo sé. Sí, sí. De ahí, la de cuatro. Il y a un test intéressant qu'on a décrit qui est le test aspiratoire. Il y a un test très intéressant qui est le test aspiratoire. Donc, vous allez imaginer. Tout est écrit, ne prenez pas de notes, écoutez-moi. Et non, vous n'avez pas besoin d'une note, vous allez écouter. Donc, vous imaginez, vous prenez un ballon, une baudruche qu'on peut gonfler. Comme un globo, imaginez. Vous le gonflez un petit peu. Lo vais a inflar un poquito. Vous faites deux traits parallèles. Y vais a hacer dos rayas paralelas. Vous soufflez davantage. Entonces lo vais a inflar un poquito más. Qu'est-ce qui va se passer? ¿Qué va a pasar aquí? Les traits vont s'écarter. Que las rayitas se van a separar. Okay. Donc, on va utiliser exactement le même mécanisme. Vamos a utilizar este mismo mecanismo. Pour tester la cinétique intervertébrale, intercostale, costo-vertébrale. Vamos a utilizar la información cinética para testar Donc, quand vous avez quelqu'un qui est en décubitus ventral, vous mettez les doigts sur deux épineuses ou deux côtes. Et vous lui demandez de ventiler, d'inspirer fort. Vous devez avoir un écartement au niveau des côtes, vous devez avoir un écartement au niveau des vertèbres. Y necesitamos tener una separación a nivel de las vértebras o a nivel de las costillas. No, donc c'est assez facile à voir. Vous allez voir vos doigts physiologiquement, ils doivent s'écarter. ¿Qué vais a ver? Que los dedos fisiológicamente se separan. Ils s'écartent en faisant une espèce de rotation externe. Y se separan haciendo una especie de rotación externa. Si vous sentez les doigts qui ne bougent pas ou qui se rapprochent, si sentís que los dedos no se separan o incluso que se juntan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau des fusions neuromusculaires, esto qué significa? Esto significa que a nivel de los usos neuromusculares, des petits muscles intervertébraux ou intercostaux, los pequeños musculitos que están entre las vértebras o entre le seuil de déclenchement est trop bas. Que l'umbral de déclenchement, de contraction musculaire, le stretch réflexe est trop facile. Donc ça veut dire que la région est dysfonctionnelle. Esto significa que la región es dysfonctionnelle. L'intérêt de ce test est qu'il est assez simple à mettre en œuvre. L'inconvénient, c'est que s'il faut tester toutes les vertèbres comme ça, ça prend un petit peu de temps. L'inconvénient est que si tenemos que tester todas las vértebras así, pues coge un poquito de tiempo. Mais si par exemple vous avez déterminé avec le posturodynamique analytique que la dysfonction elle est dans cette région-là, si par exemple con el posturodynamico analítico hemos detectado que hay una zona que está en disfunción. Donc à ce moment-là, vous pouvez tester au niveau du test inspiratoire de manière locale. Lo podemos testar de manera inspiratoria a nivel local. ¿Es que es claro para vos? Sí. ¿Pero los dedos los pones en las costillas o en las vértebras? Puedes hacer los dos. Tu mets les doigts dans les vertèbres o en les côtes. ¿Sur les épineuses o sur les côtes? Sobre las espinosas o sobre las costillas. Ça dépend de ce que tu veux tester. Esto depende de lo que tú quieras testar. Y un desavantage. Una desventaja. C'est que c'est un test intéressant pour tester le coccyx. Es un test muy interesante para testar el coccyx. Parce qu'on peut tester lombaire, sacrum. Podemos testar lumbar, sacro. Sacrum et coccyx. Sacro coccyx. Ou sacrum iliaque. Y sacro iliaque. Si ça se rapproche, c'est dysfonctionnel. Si se junta, es dysfonctionnel. D'accord, donc c'est vraiment très simple. Donc, je vais montrer sur quelqu'un. Donc, il faudrait un patient ou une patiente, et après, vous allez le faire sur quelques régions différentes. Tu vas t'allonger. Donc on va prendre l'habitude de quand le patient est sur le ventre, de lui demander de mettre le front sur le dos des mains. Que coloque la frente encima de las manos. Parce que c'est la position globalement la plus neutre. Porque es globalmente la posición más neutra. si tourne la tête d'un côté ou de l'autre, ça va activer des réflexes posturaux. Si gira la cabeza derecha e izquierda, entonces esto va a crear actividad postural. Alors, chez lui, quand on regarde son rachis, cuando miramos en su raquis, on voit que là, il y a un plat. Aquí vemos que hay un plano. Okay. Un plat sur une région qui devrait être convexe vers l'arrière. Es un plano en una región que debería de ser convexo hacia atrás. On a vu hier qu'on pouvait tester simplement en appui. Ayer vimos que podíamos testar simplemente apoyando. Alors, lui, comme on voit qu'il a une grande zone, quand il y a plusieurs zones dysfonctionnelles, ça veut dire que la dysfonction, elle est sûrement... Cuando tenemos varias vértebras que están disfuncionales, esto significa que seguramente sea... Antérieur. Néanmoins, vous ne connaissez pas le côté viscéral, vous connaissez... On peut quand même l'aider. En este caso no conocemos el aspecto visceral, pero ni así le podemos ayudar. Je repère deux vertèbres adjacentes qui fonctionnent. Aquí tenemos dos vértebras juntas que funcionan. Je lui demande d'inspirer fort. Le voy a pedir que inspire fuerte. Voyez, ça s'ouvre au niveau des doigts. Tu souffles. ¿Veis cómo se abre a nivel de los dedos? Tu recommences. Vuelve a hacerlo. Ok. Est-ce que c'est net pour vous? Está claro. Okay. Maintenant, on va aller dans la zone dysfonctionnelle. Ahora vamos a ir a la zona disfuncional. Ah, ok. Tu inspires. Inspira. Et là, les doigts se rapprochent. Y aquí se acerca. Ok. Alors. Bon, peut-être, quand on n'a pas l'habitude de faire ce test-là, même s'il est simple. Et si nous avons l'habitude et la costumbre de faire ce test, aunque sea muy simple, vous allez peut-être voir moins de variations que ce qu'on voit là. Vais a ver menos variación de lo que hemos visto aquí. Hein? Mais c'est ça. Physiologiquement, ça doit s'ouvrir. Physiologiquement, ils devraient abrirse. Et quand ça s'ouvre, en même temps, vous sentez vos doigts qui ont tendance à faire. Y cuando se abren tenemos la tendencia de que vuestros dedos une petite rotation externe. Roten extremadamente un poquito. Okay. Si ça bouge pas ou ça se rapproche, c'est dysfonctionnel. Si no se mueven o se acercan, es disfuncional. Okay. Alors, on peut faire sur les côtes. Y lo podemos hacer también sobre las costillas. Je prends, il y a un creux, une bosse, un creux, une bosse. Tenemos un hundimiento y luego un puntito y otro puntito. Tu inspires fort. Là, ça ne s'est pas écarté, donc pour moi c'est dysfonctionnel. Entonces, en este caso no se han separado, para él es disfuncional. Effectivement, quand je palpe, c'est dysfonctionnel. Là, je prends une région qui, à mon avis, est fonctionnelle. Aquí, cojo una región que a priori es funcional. Tu inspires fort. Inspira fuerte. Et vous voyez que là, ça s'ouvre. Y aquí ya ves cómo se abre. On peut faire le ballon quand il se gonfle. On fait, si on fait des traits parallèles et qu'on fait des traits parallèles perpendiculaires. Si en el globo, cuando lo inflamos, hacemos rayas paralelas y rayas perpendiculares. Quand on gonfle, c'est les deux qui s'écartent. Cuando inflamos, son los dos los que se van a alejar. Donc, ça veut dire que si je prends par exemple une épineuse et un angle de côte, por ejemplo, ahora, si cogemos una curvis espinosa y un ángulo de costilla, je vais lui demander d'inspirer fort. Le voy a pedir que inspire fuerte. Vous voyez que là, ça se rapproche. Veis que se acerca. Je vais chercher un petit peu plus bas. Voy a buscar un poquito más abajo. Tu inspires fort. Inspira fuerte. Et là, ça s'ouvre. Y aquí se abre. Okay. Alors, on peut également le faire au niveau lumbar. Lo podemos hacer de la misma forma en el lumbar. Alors là, simplement, je lui demandais de ventiler de manière abdominale. En este caso, le voy a pedir solamente que ventile de manera abdominal. Va m'aider. Et là, vous voyez, ça s'ouvre. Y veis que se abre. On pourrait tester L5 par rapport au sacrum. podremos testar el E5 relacionado con el sacro. Et vous voyez, ça s'ouvre. Y aquí ves que se abre. Non? Et on peut faire, donc, si il est d'accord, je vais faire par rapport au coccyx. Si estás de acuerdo, yo le voy a hacer de acuerdo al coccyx. En passant avec le pantalon, c'est pas grave. Vas-y, tu vas inspirer fort. Inspire fuerte. Et vous voyez que les pouces, là, ils ont tendance à s'écarter. Y ves que las pulgares tienen tendencia a separarse. Bon, a priori, il n'y a pas de problème au niveau de ton coccyx. Entonces, a priori, no hay ningún problema a nivel de su coccyx. Donc, est-ce que vous avez compris ce petit test? ¿Habéis entendido este test? Hein? C'est très simple. Super simple. Donc, vous allez le faire, allez, on va dire, 5 minutes chacun. Vamos a hacer 5 minutos cada uno. Hein? Et on peut faire, donc vous allez faire 2, 3, on va dire...